L'agonie, livre 3, chapitre 2. Le tour à table horizontale virait prestement sous les doigts de Gaël, qui, enveloppé d'un tremblant rayon de jour, évasait les cubes d'argile en vase rouge, sveltes découpées en lisse ou pansues comme des ventres gras. Et Gangus, le maigre et brun Gangus, peignait toujours ses vases de lignes rouges et noires, de figures de dieux et de reins de lutteurs, de quadriges délicats s'envolant dans de l'azur vernissé, et Lixio ne cessait de leur adapter d'aisance quelques-unes en forme de pattes et de coups d'animaux. Et c'était aussi la même mélopée triste que sifflait le potier Rougeau, une mélopée dont le rythme se brodait au grincement du tour, comme une voix mie accompagnant son vertige, une mélopée syrienne, jadis un chant de peuplades en guerre, maintenant une douce aspiration d'âme, un rêve, un désir, un berceautement de choses infinies, évoquant des soleils regrettés. Qui est doux, Madé, qui n'était plus l'opulente et parfumée affranchie, qui n'avait plus la mitra sur ses cheveux frisottés, au col la mulette de pierre noire, et était simplement vêtue d'une tunique de Gaël, un peu large pour ses membres minces, et de la toge du Janitor raccourcie à sa taille, regardait, assis sur un escabeau, le fond de jardinet que les héliotropes et les passeroses décoraient d'améthystes et de topazes. Et il se laissait aller à ses souvenirs, tel qu'un voyageur qu'emporterait une eau bleue vers des mers éternelles, en écoutant vaguement le rythme qui lui paraissait lointain de la mélopée de son ami. Amon, que Gaël avait recueilli, allait et venait, souriant à tous, ne regrettant rien, tout émerveillé encore de la sympathie du potier et de ses ouvriers, dont le temps se partageait à tourner, peindre, ornementer et cuire des vases, à éviter à Madé tout travail qui pût abîmer ses délicates mains, et à parler de Christos avec des chrétiens très nombreux, parmi lesquels Al, Sévéra et Maglo. Cette nouvelle existence lui était si belle de bonheur qu'il en oubliait presque Jefuna et Jefuné, pour un sourd désir de vivre désormais avec Gaël et Madé, tout en mettant au service du potier, afin de ne pas être à sa charge, ce qui lui restait d'activité qui lui pût profiter. Il s'intéressait énormément aux discussions des chrétiens, lesquelles lui paraissaient appartenir à un monde inconnu, avec des idées à effrayer. Il voyait une sorte d'au-delà, non céleste, mais terrestre, une espèce de gouvernement sans armée ni magistrat, où chacun, l'égal de chacun, partagerait avec lui le pain en de fraternelles agapes dont il parlait mystérieusement et où il mangeait de la chair de Christos et buvait le sang de Christos. Combien leur religion, si sensible au cœur souffrant, à l'âme touchée comme la sienne, était douce et pitoyable et compréhensive pour le pauvre et le persécuté. Combien elle attirait suggestivement les imaginations, attirait les larmes au bord des cils émus. Et cette confession de tous à tous, d'un seul à un seul, ou de tous à quelques-uns, marquée du sceau de Christos, cette confession amenant à la lumière du pardon les fautes obscures et les désirs mauvais, combien elle lui semblait consolatrice par l'exutoire qu'elle offrait aux peines secrètes, rongeant sourdement l'être dont besoin est de se soulager. Aussi Amon, à écouter les chrétiens, se faisait insensiblement chrétien lui-même. non pas comme un catéchiste désireux de combattre rudement le péché, mais comme un naufragé transi qui a hâte de se retirer sur un bout de plage ensoleillée pour y attendre la fin de l'orage grimaçant. Cela aussi poignait Madé, pris de la mysticité de Christos. Siamo, délivré de Jefuna, imaginait tout son avenir, lui cependant s'attristait. C'est que ses aspirations vers les rudesses de la liberté, du travail et du grand air s'éteignaient maintenant dans le souvenir toujours émergent de ces années écoulées avec Attilius, qui pleurait en lui sinistrement de toutes leurs voluptés antinaturelles. Le développement de sa belle jeunesse, de sa jeunesse aimée et aimante, s'était désormais arrêté. Son passé, comme un voile noir, se moulait à la face du Primicerius, et il ne voyait rien au-delà, pas même Attilia. Il aurait voulu travailler des deux mains, rudement, s'abîmer de labeur de corps et d'esprit, ainsi qu'il l'espéra un moment, mais vainement. C'est que sa nature indolente, faite pour le rêve, prenait le dessus sur la vivacité de ses désirs d'activité, et que prenaient aussi le dessus les délicatesses de sa chair, baignée d'huile et frottée de parfums, et que sa musculature était malheureusement brisée par les inouïs plaisirs mâles, et que tout en lui se ressentait, grâce à des misères physiologiques dont il gardait le secret, d'un effroyable efféminement qui diminuait ses forces et ses énergies. Désormais impotent et impuissant, le ressort de la volonté se rompait en lui, et cela se voyait à ses yeux brillants, à la diaphanéité de sa peau, à l'affaissement de sa démarche ni souple ni nerveuse, mais cassée. Quelques mois durant, sa sexualité, qui voulait naître, le rendit vigoureux. Mais le mal venu de très loin, dont Gaël s'aperçut jadis, avait été plus fort. Il s'élargissait maintenant comme une effroyable astérie. Il rongeait tout son dedans. Il crevait en cernes bleuâtres autour des yeux et lui enlevait toute initiative, tout mouvement. Et c'était cette impuissance même qui le rendait si pénétré des mélopées de Gaël, au travers desquelles il voyait tant de choses que doucement déformait son imagination, maladive comme son corps. « Ne touche à rien, » lui disait souvent le potier, « tu n'es pas vigoureux et le travail n'est point fait pour toi. Moi, ton frère de Syrie, je dois faire œuvre des mains pour toi, et non toi pour moi. » Car Christos veut que nous soutenions nos vieillards et nos infirmes. « Je suis donc un infirme ?» demandait amèrement Madé. « Oui, de corps et d'esprit. » Et Gaël, avec son bon sourire de rougeau, reprenait le tour qui sifflait aiguement. Souvent apparaissait Skebaos, sur l'épaule, ficelé à un gros bâton, un énorme quartier de porc salé, qu'il vendait de porte en porte. Skebaos appelait le potier de la clé de roseau qui séparait le jardinet des terrains vagues de la région. De là, il entamait avec lui ou avec Amon, très entraînable, une interminable conversation. Le Cilicien ne tarissait pas d'histoires merveilleuses. C'était des aventures d'enfants allaitées par des femelles de serpents et protégés par des empereurs scythes, ou bien des victoires de gladiateurs sur des monstres à six pattes emmenés de la Libye. Il confondait des légendes historiques fort anciennes avec des sujets de sa propre imagination, inventait à froid des personnages bizarres comme celui d'un thaumaturge égyptien qui, avec un mouvement du doigt, projeter les hommes à la voûte d'un temple dont les matériaux, d'onyx et de saphir, avaient été transportés sur des dos de fourmis, grosses comme des montagnes. Quand il avait terminé, il proposait invariablement de son porc salé, découpé proprement avec un grand poignard. Le morceau était servi sur de larges feuilles de vigne ou de platane qui faisaient un fond vert sur le rose et le blanc de la marchandise, puis il s'en allait, satisfait, recommencer ailleurs. Quand Maglot survenait, c'était une animation extraordinaire. Toujours il maudissait l'Empire, les dieux, Rome. Envers Madée, que les autres, sous le coup d'une éducation très ancienne, regardaient avec une superstition religieuse pour son sacerdoce du soleil, il n'avait pas assez d'expression aigre, quoique contenue par la présence de Gaël, qui ne voulait pas qu'on touchât à son frère de Syrie. Souvent il arrivait la robe pleine d'immondices, la barbe glaireuse, la face contuse de coups, que libéralement lui donnaient des enfants, pour lesquels il était une espèce de ridicule épouvantail. Rome le connaissait trop. Aussi ses prédications étaient-elles maintenant plutôt défavorables qu'autrement à Christos. Les chrétiens d'une certaine culture spirituelle, qui s'éloignaient du peuple pour toucher plus ou moins ostensiblement au pouvoir, les personnages officiels de l'Église de Rome l'évitaient, le désavouaient discrètement, le poussaient peu à peu vers le groupe des humbles et des pauvres. Son ancienne sainteté, grossie par la distance, faisait sourire les puissants et n'agissait que faiblement sur les pauvres. On avait vu de près le sein de l'Helvétie, on avait palpé et soupesé l'apôtre. L'apôtre et le saint n'étaient rien. Avec cela, Maglot était poltron, criant fort aux martyrs quand on le touchait du doigt. Quand il n'y avait pas danger sérieux, prenant des poses d'inspiré et de confesseur, mais se sauvant à toutes jambes le cas contraire. Les chrétiens occidentaux ne l'avaient pas vu durant la sédition. Les chrétiens orientaux pas davantage. Il s'était caché, probablement. D'autre part, jamais il n'avait pris parti pour les uns ou pour les autres. Lorsqu'on le pressait, il se contentait, toujours illuminé, de lancer des imprécations vagues à l'empereur et à l'empire, de prédire la chute de Rome et la gloire de Christos. Il retournait à l'Apocalypse, mais ce qui excellait à l'Helvétie n'avait raison d'être à Rome. Aussi avait-il perdu énormément, même auprès de Gaël, cependant plein d'indulgence pour ses vaticinations. Un autre sujet de distraction était Cordula. Elle descendait rapidement vers le Tibre, traversait le pont Sublicius, ramassait en route quelques rendez-vous de Romains, recevait, sans y prendre garde, les injures d'anciens amants, et, peinte, les sourcils rejoints par du noir, de grands anneaux aux oreilles, des colliers de cuivre et de bronze légers battants, du col, les seins à demi crevants sous une subcula jaune, elle apparaissait dans l'atelier. Gaël se laissait paisiblement baiser aux yeux et aux mains. Elle lui racontait les heures passées avec les hommes, lui dénombrait ses gains, hélas légers, que prélibait en grande partie le propriétaire de sa chambre. Répétait même les histoires que lui avait apprises Skébaos. Elle ne se gênait point sur les petits vices de ses visiteurs, sur leurs goûts plus ou moins ignobles auxquels elle obéissait, résignée et inconsciente, comme une esclave qui tient à bien achever la tâche imposée. Tout le quartier, peut-être, avait passé sur son ventre, et ce lui paraissait presque glorieux. Souvent, Gaël lui fixait un rendez-vous, et c'était le lendemain, entre eux, à l'atelier encore, devant le tour, l'ouverture du four et les blocs d'argile, un amusement du récit de leurs caresses. Le potier accomplissait ses devoirs d'amant de cœur sans se cacher. La chose paraissait naturelle aux chrétiennes et aux chrétiens d'Orient, et, sans rester l'exclusif objet de leur conversation, elle y entrait, souvent en apparence de tendre mysticité. La plupart avaient assisté à cette assemblée du Viminal où Zal recueillit le sang de chacun dans la coupe d'or. Cette communion du sang, achevée en promiscuité au son de l'orgue hydraulique par le bel et faible jouet, fut pour tous un délire qui leur fit désormais voir l'agneau à travers le plaisir. Et ce plaisir ne leur était pas seulement matériel, mais spirituel, participant de deux natures sanctifiées et grossies par l'hyperbole de Christos. Il leur coûtait autant de sève de vie que de bonheur de pure âme. Les chrétiens, eux aussi, étaient gâtés par ce temps d'énervement. Leur extériorité déformée se peuplait de rêves et d'aspirations sans nom, flottant en une mer d'énergies humaines sur laquelle, en une barque de nuages, la face de Christos, une baguette fleurie à la main, avait un vague aspect de phallus. Une singularité était l'amour, ou ce qui en paraissait, de Zal pour Sévéra, et réciproquement. Ils transudaient cet amour de leurs yeux. Ils sonnaient, tintant, dans leurs paroles, et cependant rien d'une relation charnelle ne s'en échappait. Les chrétiens ne se scandalisaient pas de leurs bons rapports. Naturel leur était qu'ils s'achevassent un jour en une union plus intime d'adultère. Christos légitimait tout et sacrait tout, à la condition de croire en lui. Et Sévéra et Zal, certes, ne cessaient justement de garder pour l'agneau la foi, l'ardeur, la pure et divine fleur en eux levée d'un prosélytisme indestructible dont le feu était difficile à éteindre. On les voyait partout, aux assemblées, dans les maisons pauvres et les palais riches, surtout dans les réunions très intimes comme celle de Géhel, discourant, consolant, illuminant, soutenant et soufflant la croyance, semant des prières et des consolations mêlées d'attendrissement, de larmes fées. La participation des chrétiens occidentaux à la rébellion contre Elagabalus attristait les orientaux, qui voyaient moins les avantages de cette aide aux anciens persécuteurs que l'altération de la doctrine même sur laquelle le pouvoir mettrait la main plus tard. Leur cœur en saignait. Christos était ainsi trahi, non seulement par Atta, le meneur des occidentaux, mais encore par l'Église officielle, les personnages à la tête de la Rome chrétienne qui sourdement se poussaient, par l'ennemi de Zal, vers le parti de Mamméa. Les orientaux, isolés par cette Église haute, se voyaient glisser vers l'hérésie. Eux, cependant, les vrais croyants, les seuls fidèles à l'enseignement de Christos, duquel une source vive d'amour et de passion coulait. Ils en étaient aigris contre Calliste, le successeur de Pierre au grand pontificat apostolique, toujours caché dans sa fonction comme un dieu inébranlé. Et cela avait créé un fossé de jour en jour élargi entre orientaux et occidentaux. Cela n'ayant pas assez de mépris pour ceux-ci, ceux-ci haïssant tout haut cela et prêts à se ruer sur eux le moment venu. Par une déviation d'esprit, née probablement de cette synthèse du culte de la pierre noire et de l'agneau, humanisée dans le sang de la coupe d'or et l'union charnelle, si rapide, entre hommes et femmes, que fuirent cette nuit-là Sévéra et Zal, toujours purs, les chrétiens orientaux en étaient venus à regretter la rupture des énergies de l'Empire, à rêver de le soutenir, de combattre pour lui, non pour qu'ils vécût éternellement, mais pour que sa durée pût permettre à leur culte de s'y substituer naturellement. Ces idées, surtout suggérées par Zal après son entretien avec Attilius, circulaient un peu partout maintenant, accusatrices des chrétiens orientaux auprès du peuple romain, voyant en eux des étrangers souillés de corps, et c'en était assez pour attiser contre eux une colère immense qui pesait, terrible et muette, en attendant de tomber avec fracas sur leur tête un jour. Quelqu'un dont l'impression sur Madée restait vive était Zal. Sa descendance d'un grand roi, son ardeur et sa verdeur, sa simplicité de vie et sa force d'âme, la largeur énorme de ses conceptions, sa haine forte des hypocrites, notamment Atta, en avait fait un chef spirituel dont l'autorité sur les chrétiens orientaux se rehaussait naturellement de l'amour de Sévéra. Il leur était presque égal à Christos, dont il avait l'âge final de la passion, et Sévéra leur était sa Magdalena soumise, et on aimait à la voir, en des entretiens mystiques, verser des parfums sur ses pieds, essuyés avec sa chevelure de patricienne. L'entrevue de Zal et d'Attilius, cet appel du puissant Primicerius aux chrétiens pauvres, paraissait encore si bizarre à Madée qu'il se demandait souvent quelle était sa puissance pour compter ainsi dans l'Empire. Lorsque Zal lui adressait quelques paroles, c'était avec une sorte de respect mêlé de sympathie qui visait surtout son sacerdoce du soleil. Son extraordinaire figure d'illuminé, sa fine barbe brune, ses grands yeux noirs au velouté soyeux, son col dégagé et sa tête aux inclinaisons nerveuses rappelaient Attilius, et il se surprenait à l'aimer, grâce à la déviation de ses sentiments, qui, féminisés, il n'en pouvait plus douter, gardait pour objet l'homme, rien que l'homme, même après l'explosion de sa virilité pour Attilia. Au résumé, c'était une vie calme de travail, d'attendrissements et d'enthousiasme que celle des chrétiens. Tous, hormis Sévéra, appartenaient à la population pauvre de Rome. Quelques-uns étaient des esclaves échappés un moment de la maison du maître. Plusieurs, des industriels et boutiquiers, fabricants de statues et de chaussures, teinturiers et charcutiers, rallumant chez Gaël le flambeau d'une foi vivace, se communiquant leurs espérances et se baisant la joue du baiser de paix. Parmi eux, c'étaient des amours, même mâles, cachés sous la doctrine de Christos, apparaissant quelquefois par des éclats inattendus de passion. C'étaient des amitiés durables, des haines aussi, pour ce qui restait étranger à leur façon de penser et d'agir, celle de l'Orient. Seulement, l'apparence du travail les vêtait de force et de verdeur. Leur détachement des cultes purement extérieurs, avec leurs métaux et leurs gemmes, leurs chants, leurs danses, leurs théories de prêtres et de prêtresses, leurs sacrifices de bêtes dont le sang empourprait le sol, les séparaient très nettement de l'orgiaque empire. Et ils semblaient austères et saints, alors que possédaient comme tous des mêmes chaleurs et des mêmes ardeurs. Et s'il valait peut-être mieux, ces chrétiens, c'était par l'unité du dogme en Christos, qui, heureusement, avait humanisé, en le noyant de sensibilité, le principe de la vie, l'amour sous quelque forme qu'il prit, idéalisé, sublimisé de beauté et de dévouement, moins de sens que d'âme, et c'était là la grande nouveauté qu'ils apportaient au monde frappé dans sa physiologie. Exacerbé, saoul et lamentablement endolori de la recherche excessive du bonheur. Les chrétiens avaient comme recouvert de fleurs un sépulcre plein d'os pourris qui était l'Empire. Et leur gloire, justement, était d'enguirlander la mort, de dorer la purulence, d'orner le mal, de cacher le néant dont on s'épouvantait sous des pétales d'âme et de cœurs largement effeuillés.